chaîne. Y'a un jour tu bougeras pour moi. Si t'es mon frère, vas-y fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le, fais-le. Si t'es mon frère, vas-y fais-le. Jamais on se fait la guerre. Du perso à la tombe, c'est ça l'arrêt. T'es mon sang, t'es mon bras droit, toujours présent pour toi demain. S'il y a pépin, je peux sortir le fer. Je suis vrai, t'es vrai, si j'aime, c'est pour de vrai. Toujours dans le ghetto, on se partage nos grecs. Je suis très bien entouré depuis des années. Comité restreint, j'ai fermé le cercle. Et c'est constant la main, donc ces galères, c'est les miennes aussi. On traîne à deux, on se mélange pas. Un peu comme deux chaînes et celui. On est inséparables comme celui et du chêne. Faut leur faire la guerre mais pas sans toi. Tu sais que le temps passe et les années s'enchaînent. Y'a genre tu bougeras pour moi. Si t'es mon frère, vas-y fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le, fais-le. Si t'es mon frère, vas-y fais-le. Fais-le, fais-le. On partage tout en deux, c'est le meilleur de mes amis. C'est plus la famille que la famille. Je suis jamais très loin, j'aime pas entendre ses cris. C'est logique, genre les miennes quand il sort ses canines. C'est mon poteau, il me lâche pas pour une chica. Très fidèle depuis nos premiers chicas. Soudé depuis petit peu comme Steph et Attica. Je connais tout ça, il vient peu de choses qu'il me dit pas. T'es mon frère, t'as les mêmes principes que moi. Les mêmes valeurs que moi. Y'a personne qui va m'emmener loin de toi. On est inséparables comme celui et du chêne. Faut leur faire la guerre mais pas sans toi. Tu sais que le temps passe et les années s'enchaînent. Y'a un jour tu bougeras pour moi. Si t'es mon frère, vas-y fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le, fais-le, fais-le, fais-le. Si t'es mon frère, vas-y fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Tu sais quand ça va pas la tête dans les nuages. T'es mon refrain, je te fais la passe sur ma pillage. Passe des comme Modric, but de Benzema. Devant les bleus, je connaîtrai jamais ton visage. Mes ennemis, boyaka. Je suis calibré dans l'auto. Mes ennemis,